Bravo, Mylène! Ben oui, qui a gagné une paire de billets pour aller au Rockfest. T'applaudis pas, par contre? T'es la seule qui la connaît, fait qu'applaudis! Hein? Hein? Bon. Ah ouais. Et ça va faire. On peut pas continuer à applaudir? Bravo, parce que c'est une paire de billets, bravo! Hey, ben, bravo pour la paire, et continue d'applaudir, parce que la prochaine chronique, c'est les paroles des autres! Oh. J'ai mal aux mains! Ben écoute, la chanson thème des petits bonheurs de Stéphanie Paradis. Oh. Yeah! Oh. Ah, il fait là, il est de plus un autre! Yeah! Un autre. Yeah! Qu'importe que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras. L'important, c'est ton bras, qu'importe. Si diplômé d'un master, tu livres encore des pizzas. Le bonheur n'est-il pas ailleurs? Dans les seins qu'on pétrit, dans les contre-pétris, dans l'art d'être incompris. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la rousse comment s'y prendre. Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois pas ce footballeur qui palpe 1 million par mois. Tu roules en Porsche sur PS3, qu'importe. Si tu n'aimes pas tes rondeurs, nous autres on les aime pour toi. Le bonheur n'est-il pas d'ailleurs? Dans les seins qu'on pétrit, dans les cartes on complie, dans les cartes qu'on déplie. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la rousse comment s'y prendre. Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Tant qu'il est vrai que le bonheur est tolérant, qu'ils font du sous-croix d'au hasard sur la plupart des gens. C'était la chanson thème de la chronique Les Petits Bonheurs avec Stéphanie Paradis. Ah, oh, c'est bon, hein? Oui, on aime ça. Et évidemment, la chronique Les Paroles des Autres, c'est là qu'on écoute une chanson thème ou une chanson de chronique ou d'émission de l'univers radiophonique de Mathieu Plante étant moi-même. Puis tu dis pas qui chante la toune? Ben oui, mais laisse-moi le faire. Je vais l'oublier. Donc oui, c'était la chanson Le Bonheur du groupe Archimède sur l'album Le Bonheur, sorti en 2011. Stéphanie, dis-moi, comment est-ce trouvée cette chanson? J'ai tapé le bonheur dans YouTube et je suis tombée sur cette chanson. Oh! Mais j'ai vraiment trippé quand je l'ai entendue. C'est carrément. Si je l'avais pas trouvée bonne, je l'aurais pas prite. Prite. Non, mais pour vrai, je l'adore. C'est génial, c'est un très très bon choix. Donc, la chronique Les Petits Bonheurs, qui d'habitude est aux 2 semaines en temps normal, et là, est en congé pour l'été. Ouais, c'est ça. L'été, je suis pas heureuse. Non, je vais sortir. C'est les petits malheurs. Ouais, mais tu vas en faire une cet été à un moment donné, non? Oh, à un moment donné, j'imagine. Quand l'inspiration sera là. Moi, c'est ça va te tenter. C'est ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui va popper. Ouais. C'est en fait de chialer un peu plus que je vis du bonheur. Si on avait le temps de chialer. On n'a pas le temps de faire des chroniques de chialage. On devrait le faire l'été aussi. Ben oui, j'aimerais ça. Ouais, c'est ça. En plus, on a déjà trouvé un sujet... Ensemble. On a eu bien des affaires ensemble, c'est ça. Ah. C'est un de nos passe-temps communs. C'est tout ce qu'on fait. Voilà donc pour les paroles des autres, collègues qu'on fait à chaque semaine, ici même, à Assemblage Requis à la plage.